mardi à Assemblage requis. Émilie Gauthier nous fait ses suggestions de sortie plein air dans sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et même si Maxime n'est pas là, Kiwan va quand même nous parler de nouveautés musicales. Assemblage requis, mardi, 15h.